d'accord. Alors, je voudrais voir. Est-ce que vous êtes chaud qu'on fasse encore un putain de bordel? Ambiance chaude et torride quand je rappe même les camés sans branle de l'héroïne. La prose est naturelle, le flow musclé sans prendre de stéroïdes. Je protège mes arrières quand j'ai affaire à mille blabla. Pour les punchlines, un de mes albums c'est la caverne d'Ali Baba. 10 ans plus tard, je suis honoré quand des mecs kiffent mes sons. Mais pour les autres, il me faut une table toujours plus grande pour faire des dîners de cons. J'ai aucune médaille, mais un passé chargé d'exploits. La preuve, mon sol est jonché de verre. Même les fakirs veulent plus rentrer chez moi. On part de rien comme Scred Connex, on arrive à ce qu'on vise. Je suis qu'un vaurien qui te prouve que la rage, la rime, ça se combine. Ce que j'accomplis malgré ma galère, ma poisse a fait de moi un brillant à travers ma noirceur. J'en ai dans le bide, chaque fois que je pose, je crache des bouts d'entrailles. Je suis insolent comme un corbeau posé sur un épouvantail. J'ai pas votre time, j'emmerde toutes vos idées reçues. Mais ce qui est sûr, c'est que des VK pour les punchlines, c'est l'unité de mesure. Texte une carte son, ma gueule j'm'en bats les couilles. Une clope, une taille, j'enregistre en caleçon. Ma gueule j'm'en bats les couilles. J'suis en roue libre, même les voisins deviennent des tarés fous. J'ai le flow qui casse les bouches, mais qui peut me descendre? J'attends qu'un gaz des vous. Ça soit des open mic, des scènes complètes. Ma voix laissera des douilles. J'suis déjà le meilleur que le meilleur de la compète. Ma gueule j'm'en bats les couilles. J'me fais kiffer, même si ce son fera pas d'écoute. J'pourrais sonner les cloches de la messe du dimanche, tellement j'm'en bats les couilles. J'vois, j'ai la prose extra. Arrête, j'en impose, n'est-ce pas? Qu'est-ce que mon flow fait des sauts, pas besoin d'une dose extra. J'm'exclame, tu passes sur mon dos, reste là, teste pas. Ce soir ça s'arrose pour pisser sur vos messe-passe. J'reste là, j'lâche pas l'affaire, j'suis comme une tache tenace. Le fait de citer mon blaze inscrit ceux des autres sur une plaque de marbre. Je ne joue pas à vos jeux d'enfant, t'es mignon, passe à l'heure. Vu ma paire de couilles, j'suis imbattable au petit pont massacreur. T'es loin d'être prêt pour la tuerie que j'prépare. Les démineurs sont déjà en sueur devant l'usine de pressage. J'suis plus une grande gueule chez les flics qu'à ton beurre chez les filles. Gérant ses factures, une aiguille à coude dans le compteur électrique. Ça sert à rien de juger ici, c'est moi qui fais ma loi. J'suis ce mec qui a grandi trop vite, qui allait pas de l'avant. J'ai mis pas mal d'années avant de trouver ma voix. Depuis la mienne a fait trembler ma rouquinerie, cigale et Bataclan. Quand je dis le verre, vous dites tous de trop. Le verre, le verre. Un micro, un texte, une carte son. Ma gueule, j'm'en bats les couilles. Une clope, une taille, j'enregistre en caleçon. Ma gueule, j'm'en bats les couilles. J'suis en roue libre, même les voisins deviennent des tarés fous. J'ai le flow qui casse des bouches, mais qui peut me descendre? J'attends qu'un gaz des vous. Ça soit des open mic, des scènes complètes. Ma voix laissera des douilles. J'suis déjà le meilleur que le meilleur de la compète. Ma gueule, j'm'en bats les couilles. J'me fais kiffer, même si ce son fera pas d'écoute. J'pourrais sonner les cloches de la messe du dimanche, tellement j'm'en bats les couilles. J'monte sur scène, sa gueule, loin de leur promo et de leur 10 000 cagoles. J'ai le don de les emmerder comme une deux chevaux sur le circuit Carole. Pour toi, j'suis cet ancien gars. Ça paie un gars, pas en Balenciaga. Mais quand j'balance une prod, des punch. Toi tu balances qu'un gaz. Pour moi c'est naturel, alors je ne peux pas dévoiler le truc. Le rap j'ai baigné dedans comme un cul-de-jatte dans des toilettes turques. Suffit d'un peu de passion, de s'en battre les couilles et d'un peu de talent je crois. Et tu feras changer la vision de ceux qui croyaient pas en toi. Tu sais en vrai ce qu'on pense de moi. Ma gueule j'm'en bats les couilles. En vrai même si ce son ne te parle pas. Ma gueule j'm'en bats les couilles. J'avance tout droit même si l'avenir me paraît flou. Je pourrais sonner les cloches de la messe du dimanche tellement j'm'en bats les couilles. Eh hey, merci, le verre de trop. On est là, ça bouge pas. D'avocat.